cul comme marcher en bas la pluie. Pourtant, savez-vous tellement, tellement, tellement fragile. Venez goûter en moi, moi peux ça cacher. Oh, oh, oh, moi peux ça cacher. Sorti parce que ou te savais dans la déjà gris. Oh, à présent ou qu'à trembler ou mis la pierre.